Dans le phénomène de la mort, il y a trois aspects que l'homme ne connaît pas. Le premier aspect, c'est ceci, c'est que dans la mort, le rayon est incapable de pénétrer l'âme. Deuxièmement, le rayon peut pénétrer l'âme seulement quand l'âme est dans la matière. Troisièmement, le rayon détruit l'énergie de l'âme et libère l'homme pour l'immortalité. Pourquoi le rayon ne peut pas pénétrer l'âme? Parce que si le rayon pénétrerait l'âme, il n'y aurait pas eu d'homme sur la terre. L'âme aurait été parfaite. Mais comme l'homme est sur la terre et qu'il a des sens, bien qu'il ait en lui l'âme, lorsque le rayon pénètre l'âme et descend dans l'homme, les sens sont tellement puissants que l'âme a encore le pouvoir sur l'âme. Et ça, ça dit beaucoup parce que ça nous fait réaliser que dans le fond des temps, il avait été décidé par les êtres silencieux de ne jamais pénétrer l'âme avant qu'elle soit incarnée. Et ça, c'est une des raisons pourquoi est-ce que l'âme est descendue dans la matière, pour être pénétrée par le rayon. Sinon, l'âme ne serait jamais descendue dans la matière. Parce que, spirituellement parlant, ou occultement parlant, ou ésotériquement parlant, on n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est, la lumière. On en parle, on en jase, on en bave. Mais on n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est, la lumière. Et la lumière, ce n'est pas ce qu'on pense. Et quand je dis que la lumière est sans intelligence, ça ne vaut absolument rien, je dis deux choses. Je dis d'abord que la lumière sans intelligence est simplement la manifestation d'une énergie sur un plan subtil. Deuxièmement, je dis que l'homme qui voit la lumière, et qui ne peut pas mentalement communiquer avec elle, est encore dans l'astral. Autrement dit, je dis, dans les mots anciens, que l'homme qui voit la lumière, autrement dit, qui voit Dieu et qui ne peut pas communiquer avec, c'est pas Dieu qui voit. C'est l'astral. Parce que lorsque l'homme, à cause de son évolution, lorsqu'il voit la lumière et qu'il peut communiquer avec elle, automatiquement, cet homme-là fait partie d'un autre plan d'évolution. Il n'est plus dans l'astral. Alors, c'est très important à l'homme de réaliser l'importance qu'il y ait de l'intelligence dans la vie. Je suis rendu tanné d'entendre le monde me dire « Ah, j'ai vu la lumière hier soir. J'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière. T'aurais pu voir une Westinghouse, t'aurais fait la même chose. » Et l'homme a été mystifié par la lumière. Mais l'homme de demain, je parle de l'homme de demain, je parle de l'immortel. Puis je parle de ceux qui vont vers le centre atlantique, je parle pas de ceux qui vont vers le centre himalayen, je parle de ceux qui vont vers le centre atlantique. Les quelques-uns, parce qu'il n'est pas gros. Ces êtres-là devront être capables, devront être suffisamment forts dans leur esprit pour pouvoir voir la lumière et communiquer avec elle, ou rentrer en elle et communiquer avec elle. Non pas de la contempler. Un homme qui contemple la lumière, il fuit. Et ça, c'est la grande faiblesse de la méditation. On ne contemple pas la lumière. Ça ne se contente pas de lumière. C'est de l'intelligence. Tu ne te contentes pas d'intelligence. Tu parles avec. Alors, la situation de l'homme à la fin du 20e siècle Elle est très délicate parce que dans le monde présentement, il y a une très très vaste majorité d'êtres évolués qui cherchent la lumière, qui cherchent à contempler la lumière. Lorsqu'en fait, ces êtres ou les êtres, ou de ces êtres, il y en aura un certain nombre qui ne chercheront pas à contempler la lumière, mais à communiquer avec elle parce que la lumière est intelligente. Elle est intelligente. Et s'il n'y a pas de communication avec la lumière, si elle ne répond pas, elle ne vient pas du plan mental supérieur. Ah, à ce moment-là, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien parce qu'elle fait partie de l'expression sur un plan de l'homme, de la mémoire de l'âme. Alors, les illusions de l'âme sur l'âme, la puissance de l'âme sur l'âme, elle est très grande. Et c'est justement à cause de sa puissance que l'homme vit ce qu'on appelle sur la Terre la spiritualité. Mais l'homme ne vit pas ce qu'on appelle sur la Terre la science. Et le but de l'évolution, c'est de permettre à l'homme de posséder la science, c'est-à-dire de posséder le savoir de tout ce qui a rapport avec l'évolution à tous les niveaux de la création. Et non pas de subir dans des états altérés ou dans des états de conscience ou de semi-conscience la mémoire de l'âme. Et le prix, le jeu, l'enjeu de cette évolution-là se fait dans la matière même. Elle se fait dans la vie même, dans le bureau même, dans l'expérience même de l'homme. Elle se fait en dedans de lui-même. Et c'est lorsque il commence à sentir la vibration du rayon qui détruit petit à petit les motifs et le mental, que l'homme se prépare à être capable, au niveau de ses corps, éventuellement de regarder la lumière en face et de communiquer avec elle et de se fondre avec elle, ce qu'on appelle la fusion. L'homme a intérêt, a un très grand intérêt, à prendre son temps dans son évolution. À essayer de comprendre le plus possible ce qui se rapporte à lui, ce qui le force à son insu d'être prisonnier de la mémoire de l'âme. Parce que l'initiation solaire sur la Terre n'est pas facile. Elle ne peut pas être facile. C'est pour ça qu'il est donné deux opportunités à l'homme, celle d'aller vers le centre himalayen ou le centre de l'Atlantique. Mais il y a des hommes qui ne sont pas intéressés au centre himalayen. Moi, j'en suis un. Je ne suis pas intéressé au centre himalayen parce que le centre himalayen a déjà été en existence sur la Terre depuis très longtemps. Et les activités du centre himalayen sont des activités spirituelles. Alors, les activités spirituelles, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et il y en a qui diront, mais oui, mais si tout est connu d'avance, à quoi ça sert de savoir si on s'en va vers le centre himalayen ou sur le centre atlantique? Ça ne sert absolument à rien. La seule raison pour laquelle je vous dis ce que je vous dis, c'est simplement pour vous donner une perspective intérieure au cas où, à un certain moment de votre vie, vous deveniez réceptif à la vibration du rayon. Et à ce moment-là, mais ça vous permettra de comprendre où vous vous en allez. Parce qu'il y a deux aspects de savoir sur la Terre où ce qu'on s'en va. Un aspect n'est pas nécessaire parce qu'il est lié à la curiosité. Mais un autre aspect est nécessaire parce qu'il est lié à notre instruction. C'est-à-dire que cet aspect-là nous permet de bien nous situer vis-à-vis nous-mêmes dans nos expériences internes, nos expériences personnelles, afin de nous faciliter de plus en plus le transfert d'énergie. Parce que, en fait, tout est un transfert d'énergie. Il faut que l'homme, à un certain moment, puisse vivre sa vie d'une façon totalement libre intérieurement, pas toujours accroché à une forme quelconque qui nourrit par sa mémoire. À ce moment-là, ça permet de vivre une initiation qui est suffisamment rapide, qui est suffisamment stabilisante, qui est suffisamment... au fond de laquelle il y a un soleil, il faut... C'est pas important que tu vois le soleil ici ou que tu le vois là, mais que tu le vois quelque part, le soleil. Qu'il y en ait un quelque part, le soleil. Puis ça, c'est vibratoire, le soleil. Quand tu sais que c'est là, là-bas, tu sais que c'est là, là-bas, faut que tu t'en vas là-bas. Mais si tu le vois jamais, cette affaire-là, tu te fatigues, tu te décourages, tu perds de l'énergie. C'est pour ça que dans un sens, c'est bon qu'on sache la différence entre la vibration de l'âme et la vibration du rayon. L'homme vit sur la Terre d'une façon totalement mécanique. Mais à un certain moment, il faut que l'homme vive sur la Terre d'une façon vitale, d'une façon intelligente, mais toujours en relation avec la vibration du rayon. Pas en relation avec la mémoire de l'âme. C'est évident que si vous avez été dans le passé, si vous avez eu des incarnations dans le passé en Atlantide, puis vous avez eu des incarnations en Chine ou en Perse, ou je sais pas moi, chez les Indiens d'Amérique du Sud, c'est évident qu'il y aura en vous de la mémoire de l'âme, et cette mémoire de l'âme-là vous créera un certain feu, vous créera une certaine, vous donnera une certaine vibration, vous donnera un certain sentiment. Qui vous donnera l'impression d'avoir peut-être une mission dans le temps, ou peut-être d'avoir déjà eu une mission dans le temps, ou peut-être d'avoir eu déjà une importance dans le temps. Ça vous donnera peut-être l'impression que vous êtes un être spécial. Il n'y en a pas d'être spéciaux. Il y a que des ventes spéciales chez tout. Il n'y a pas d'êtres spéciaux. Fait que rendez-vous ça de la tête. Il y a des êtres qui sont capables de prendre le rayon, puis il y en a qui ne sont pas capables de prendre le rayon. Ceux qui ne sont pas capables s'en vont de l'autre bord, puis ils reviennent. Jusqu'à temps qu'ils soient capables. C'est ça l'évolution. Les êtres spéciaux. Spécial. Il y en a une qui est venue au séminaire en fin de semaine. Là. Elle est venue au séminaire, elle avait été fusionnée. Elle m'a dit, toi et donc. Elle avait été fusionnée. Elle dit à Gisèle, je vais être fusionnée. Bon, je te l'ai deviné. Elle est venue au séminaire en fin de semaine, elle a passé son temps dans le lit. Elle avait tellement mal à la tête. Elle avait un gros mal de ventre jusqu'ici. J'ai dit, vous allez la voir à sa chambre. J'ai dit, comprenons une chose. Faites comme si votre mal de tête, là, c'était un mal de tête bien ordinaire. Votre mal de ventre, c'est un mal de ventre bien ordinaire. Non, elle, son mal de tête était spécial, puis son mal de ventre était spécial. Je me suis gagné. Spécial. Ris pas. C'est grave. Puis il y a bien du monde qui veut fusionner. Ils ne parlent pas tout de même. Mais des spéciaux, il y en a. Ça, ça fait toute partie de la mémoire de l'âme. C'est évident que tu as eu des incarnations antérieures d'une certaine évolution. Tu as une petite vibration qui te fait penser, qui te fait sentir que tu es spécial. Tu t'es bâti des cathédrales en Europe, tu vas sentir un petit feeling pour les francs-maçons. Normal. Mais le plus drôle dans toute cette crise de patente-là, c'est quand que tu es réellement dans la vie, quand tu es conscient, quand tu es supramental, quand tu es toutes ces patentes-là, là, tu t'es en crise comme dans l'an 40. C'est ça que moi qui me fascine le plus. C'est ça qui est le plus drôle. Si un homme sans terre qui est détaché de l'avenir, puis qui est détaché de demain, puis qui est détaché de l'immortalité, puis qui est détaché de la sixième race, qui est détaché du centre de la classe, qui est détaché de tout ce qui est occulte puis ésotérique, toute la patente, c'est bien moi. La seule chose qui m'intéresse, moi, dans la vie, c'est de parler, puis de manger, puis d'aller m'étendre les pieds en Floride dans le sable, puis bâtir ma maison. Non, il y en a qui vivent deux, trois vies en même temps, chose. Ils vivent au bureau, ils vivent dans l'Atlantide, ils vivent dans les francs-maçons, ils vivent dans la sixième race. Tu comptes ça? Ils ont un crise d'oreille. Ça fait partie de la mémoire de l'art. Quand les gens vivront dans le rayon, quand les gens seront dans la vibration du rayon, ils n'auront plus à s'inquiéter de demain. Parce que d'abord, la mémoire de l'homme va être détruite. Anyway. C'est pour ça que ça les énerve un petit peu. Parce que le gars, comprends-tu qu'il y a la petite vibration d'avoir été en Atlantide, puis qu'il y a la petite vibration d'avoir été en Égypte, puis en Perse, puis à Babylone, je sais pas, moi, toutes les places. Tout d'un coup, un jour, le corps astral, il change, puis il change, puis il change. Puis un jour, là, la vie est plate. Il est plate. Il sent plus ce qu'il y avait avant. Avant, il était particulier, il était spécial, puis il sent plus être spécial. Là, il commence à tomber en dépression. Il appelle Gisèle, qu'est-ce qui se passe? J'étais spécial, puis là, je suis plus spécial. C'est là. Qui se passe dans mon cœur, comme le combat des deux, comme quelque chose qui va nous faire vibrer dans notre mémoire, puis en même temps, il y a quelque chose qui est vraiment écœuré de cette mémoire-là qui vit. Tu te dis, qu'est-ce qu'on a à faire avec ces liens-là, puis ce qu'on a à faire, c'est comme un combat. T'es plus intéressé à ta mémoire, t'es plus intéressé à ton petit côté. Tu vis le combat. Tu vis le combat jusqu'à temps que le rayon devienne tellement fort que ton intelligence, ton mental, devient très fort. Plus le rayon est fort, plus ton mental est fort, parce que plus le rayon est fort, plus il fait vibrer ton mental, plus il fait vibrer ton émotion. Fait qu'éventuellement, ton émotion et ton mental se séparent. Il y a comme une séparation qui se fait entre les deux. C'est ça le supramental. Le supramental, c'est la séparation du mental et de l'émotion qui est là. Fait que quand ton mental et ton émotion est bien séparé, là, t'sais, comme de l'eau et de l'huile, à ce moment-là, tu es dans le supramental. Fait qu'à ce moment-là, tu ne souffres plus de ces choses. C'est clair. C'est la séparation des eaux. Mais notre mental est contaminé par notre émotionnel, puis notre émotion est contaminée par notre mental. C'est ça le combat qu'on vit. On est esclave de l'âme. Moi, je déteste l'âme, je veux rien savoir. On est esclave de cette énergie-là. Ça a été tellement sanctifié, cette affaire-là. Tellement sanctifié. Regarde ce que l'Église catholique a fait. Avec bonne intention. Effectivement, l'Église catholique fait toujours avec bonne intention. Le point n'est pas là. Je parle de l'évolution. Mais comment est-ce que tu veux sortir de cette énergie-là si t'es pas dans le rayon? C'est impossible. Mais le rayon, il descend pas quand il veut. Quand tu veux. Il descend quand il peut. Puis quand il descend, par exemple, tu le sens en maudit. Puis c'est là que tu commences à paniquer. Fait qu'automatiquement, tu te colles contre ta mémoire. T'en es écœuré de la pénétration, puis de la pénétration. Puis je vous le dis, si moindrement le rayon commence à rentrer ou s'il rentre, vous allez en venir un jour que vous allez être écœuré du rayon quand il va rentrer. Quand il vibre. Quand il fait vibrer vos corps. Mais d'un autre côté, vous avez la conscience pleine qu'il n'y a rien à faire. Fait qu'automatiquement, mentalement, puis émotivement, vous vous coulez. C'est là que les corps se transmettent. Alors, le phénomène de la mort, c'est un phénomène qui est absolument ridicule sur la Terre. Puis tout le monde en parle. L'ombre de la mort vit avec chaque individu. Et l'homme ne peut pas réaliser jusqu'à quel point, parce qu'il n'en connaît pas la mécanicité, ne réalise pas jusqu'à quel point il faut que ça arrête quelque part, dans un certain nombre d'individus, dans un certain nombre de nations, ce phénomène-là. Puis ça va arrêter. Sans ça, l'humanité ne se sortira jamais de son trou. Mais avant qu'un homme puisse réaliser qu'il est immortel, qu'il puisse savoir qu'il est immortel, il faut qu'il vive du rayon. C'est le rayon qui est la preuve absolue de l'immortalité. C'est pas de se le faire dire. Tu peux te faire dire que tu es immortel. Tu t'as donné du courage. Mais tant que tu ne le sais pas par toi-même, sans te le faire dire, tu ne le sais pas. Parce que l'immortalité, c'est directement lié à la volonté et à l'intelligence. Un va avec l'autre. Fait que si tu n'as pas l'intelligence et tu n'as pas de volonté, tu ne peux pas connaître l'immortalité. Mais au moins, si tu meurs, les principes auront suffisamment de mémoire. De mémoire valable. Pour que peut-être sur les autres clans, après la mort, il y ait une réunion des principes. Peut-être le principe mental avec le principe émotionnel, le principe vital avec le principe mental. Il peut y avoir une combinaison. Les gens, souvent, qui apparaissent à d'autres personnes, parce que, justement, ils ont une combinaison de principes. Puis, il y a des lois pour ça. Il y a des lois cosmiques qui font que si un homme a accumulé de la lumière dans ses principes durant la vie matérielle, il est donné à ces êtres-là que l'âme ne retire pas toute la mémoire après la mort. Alors, il y a un certain avantage à une conscientisation. Même si tu meurs. Mais le point n'est pas là. Le point est que tous les hommes sur la Terre ont la capacité, le potentiel d'aller au-delà de la mort matérielle. Mais ça, c'est tous les hommes. Mais tous les hommes n'ont pas la capacité psychologique, émotive, mentale de vivre ce qui est nécessaire pour en arriver à ça. Des fois, j'essaie de saisir avec mon esprit la raison pour laquelle je parle de certaines choses. Je peux pas le saisir. Je peux pas en connaître les raisons autres que c'est ça qu'il faut que je parle. Mais je sais très bien que si je parle de certaines choses en relation avec l'évolution de l'homme, ça crée des prises de conscience au niveau de la mémoire de l'âme pour que un certain nombre d'individus puissent en arriver au moins à se disloquer de cette mémoire-là, pour au moins en arriver un jour à pouvoir vivre dans le centre himalayen. L'immortalité viendra plus tard. Au moins, si l'homme vit dans le centre himalayen, il a la capacité de vivre sur la Terre pendant un certain nombre d'années, très, très avancé, et de faire un travail qui est véritable. Il y a toujours des avantages à conscience, à la conscientisation. Il y a toujours des avantages qui viennent de l'initiation solaire. Mais il faut que les principes de base, tout ce qui est relié à l'imagination de l'homme, à la psychologie de l'homme, aux erreurs de l'homme, à la façon de voir de l'homme, soit élucidé. C'est parce que l'homme voit croche. L'homme vit d'impressions spirituelles. On ne peut pas vivre d'impressions spirituelles. On doit vivre de ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est cette petite partie, cette petite vibration, au moins, du rayon en nous autres qui nous fait réaliser une chose. Et que la mémoire de l'âme essaie de nous enlever en nous mettant le tout dans l'esprit. Il y en a du monde sur la terre qui ont un sentiment qu'ils ne mourront pas. Aussitôt qu'ils sont confrontés avec la mémoire de l'âme à ce moment-là, ils se disent, mais peut-être que je me fais des idées. Tant que t'as pas réalisé que c'est pas des idées que tu te fais, c'est de même, c'est final. Puis tant que t'as pas réalisé ça, le rayon pénètre pas, puis il pénètre pas parce que la mémoire de l'âme est trop forte. L'homme est éduqué dans la vie à la mort. Il est éduqué à la mort. Il n'est pas éduqué à la vie. Il est éduqué à la mort. Toute la psychologie de l'homme aujourd'hui, la philosophie de l'homme, l'incite à la mort. Elle ne l'incite pas à la vie. Quand un homme sait qu'il doit dépasser dans le temps les murs de la matière, sa vie, ça devient party. Pas le même party que vit l'homme inconscient, mais ça devient une autre sorte de party. C'est le fun de jamais disparaître. Ça te permet de prendre ton souffle. Il y a un plaisir dans l'esprit de l'homme de savoir qu'il ne disparaît pas de la planète. Il change simplement de plan sur la planète. Il y a un plaisir. Puis ça, c'est le plaisir de la vie. Parce que la vie, c'est un plaisir. La continuité de la conscience. Toutes les œuvres de l'homme. Vous faites l'amour, ça arrête. Vous allez en voyage, ça arrête. Tout ce que vous faites dans la vie, ça a une fin. Pourquoi est-ce que ça a une fin, tout ce que vous faites dans la vie? Parce que vous avez une mémoire. Et si vous n'aviez pas de mémoire, il n'y aura pas de fin. Parce que le fait que vous avez une mémoire, automatiquement, vous y donnez une limite. Parce que dans votre expérience, vous savez qu'il y a une limite. Si tu n'as pas de mémoire, tu fais l'amour, puis ça arrête. Ça n'arrête pas. C'est que t'es plus attaché à ce que ça arrête pas. Fait que quand t'es plus attaché à ce que ça arrête pas, ça continue, mais ça continue plus dans l'expérience. C'est que c'est simplement suspendu de ta mémoire. Ouais, je veux dire. Mais aussitôt que vous avez de la mémoire que ça va arrêter, mais vous souffrez que ça va arrêter, tu vas en voyage, que tu fasses n'importe quoi. Fait que votre vie n'a pas de continuité. Et n'ayant pas de continuité, votre vie, vous ne pouvez jamais être bien dans votre peau totalement, parfaitement. Je sais pas. Vous avez toujours une petite craque. Il y a toujours du temps accroché à votre esprit. Toujours du temps. Une semaine, deux semaines, 5 minutes, 10 minutes. Il y a toujours du temps. Et quand il y a du temps dans l'esprit de l'homme, il y a automatiquement une diminution de son intelligence parce que l'intelligence cosmique est en dehors du temps. Fait que le temps, c'est très nocif pour l'homme. C'est très mauvais pour l'homme, le temps. Parce que ça diminue son intelligence. Parce que le temps est la composante de la mémoire dans les principes vital, mental et émotionnel de l'homme. Ce qui crée le temps dans l'univers, c'est les composantes dans l'esprit de l'homme. Au niveau émotif, mental et vital. C'est ça qui crée le temps. Sans ça, il n'y aura pas de temps. Fait que ça va loin, la mémoire de l'homme. Et pour que le temps soit détruit dans l'âme, il faut que la mémoire soit totalement neutralisée. Et qu'est-ce qui permet de maintenir dans l'univers, le temps. C'est toutes les âmes ensemble. Puis qu'est-ce que c'est, toutes les âmes ensemble, comme je l'ai expliqué? C'est la totalité de, du principe qu'on appelle luciférien. Autrement dit, Lucifer, c'est le temps. Et ça contient quoi, ça, le temps? Ça contient tout, même la matière. Ça contient les systèmes galactiques. Alors, l'univers matériel est dans le temps. Alors, à ce moment-là, l'homme, quand il est cosmique, il est plus intéressé à l'univers matériel. Il est plus intéressé aux planètes qui sont un petit peu partout répandues dans la galaxie. Il est plus intéressé à ça. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est la lumière autour de ces planètes-là qui l'intéresse. Pas pareil. La lumière des planètes puis les planètes, c'est deux paires de manches. La Lune a la lumière autour d'elle. La Terre a la lumière autour d'elle. Les planètes, les systèmes ont une lumière autour d'eux. Et c'est ça qu'on appelle l'univers, l'empire de la lumière. Fait quand tu te promènes dans l'empire de la lumière, tu te promènes quelque part. Mais quand tu te promènes dans la galaxie, tu te promènes nulle part. Une des plus grandes illusions de l'âme de science aujourd'hui, c'est de vouloir aller sur Vénus, puis sur Pluton, puis sur Uranus, puis sortir du système solaire. Probablement pour éventuellement chercher des matières de base. Parce qu'il va en manquer ici. Ça, c'est leurs illusions. Penses-tu que rendu à ce stage-là, tu as besoin d'aller sur une planète pour aller chercher des matières de base? T'en crées des matières de base. Les extraterrestres qui partent de certains points dans la galaxie, tu penses, pourquoi? Pourquoi ils viennent sur la Terre? Ils viennent pas ici chercher les matières de base. Ils viennent voir ici si on se casse pas la gueule. Puis ils voyagent pas dans l'espace. Ils voyagent en dehors de l'espace. Ils voyagent dans la lumière. Donc l'affaire du temps, c'est important. Pas seulement au niveau galactique, au niveau immortalité, mais au niveau personnel, au niveau psychologique, au niveau de nos émotions, au niveau de notre intellect. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre dans le temps? C'est la pénétration du rayon. Ceux qui vont aller vers le centre atlantique vont souffrir de ça. Quand je parle de la grande patience, ils vont souffrir du temps. Parce que le rayon, il ne peut pas descendre plus vite qu'il descend. On serait brûlé. On a notre limite. Alors, psychologiquement, l'homme, avec le temps, en arrive à vivre une vie qui est totalement décousue de sa réalité psychologique, qui est fondée sur la conscience expérimentale de la Terre. L'homme, automatiquement, devient marginal. Mais marginal vis-à-vis lui-même, non marginal vis-à-vis des autres. C'est lui qui est marginal vis-à-vis lui-même. Autrement dit, son ancien lui-même. Mais il continue avec les autres comme si rien n'était. Sans ça, il arrête d'être un bouffon. Moi, je suis marginal vis-à-vis mon ancien moi-même. Je ne suis pas marginal vis-à-vis des hommes. Les hommes ne savent pas ce que je fais. C'est tout d'autre. Quand je vais chez Eton, moi, là, c'est la fille, elle ne voit pas de différence entre moi et moi. Je dis pas que je t'ai contacté, puis ainsi, puis ça. Contacter. Ça, c'est du short de l'aide. Je commence à me créer des problèmes, là-bas. Autrement dit, il y a essentiellement un aspect de chacun de soi qui doit être réalisé par chacun de soi pour le bénéfice de chacun de soi, à l'intérieur de chacun de soi, pour l'expression future de chacun de soi dans la matière éthérique. Il n'y a rien que ça qui compte. Le reste, c'est tout. Des situations de vie qui servent vers ça. Ils disent qu'on ne sait pas vivre. On a tellement de mémoire et de langue qu'on ne sait pas vivre. On ne sait pas vivre. Le gars, il est marié, il voit une belle femme, il vient tout croche. Il est tout coupable parce qu'il a vu une belle femme. Il réalise pas que c'est son corps astral qui vibre, c'est normal. Il a le goût de manger un bon steak, mais il vient tout croche. Il devrait manger des raisins. Parce que ça a été dit quelque part que c'est bon des raisins. Il fume, mais il vient tout croche parce que les médecins ont dit qu'il ne faut pas fumer. Puis pourtant, aux États-Unis, les médecins, ce sont ceux qui tiennent la bourse de toutes les compagnies de tabac. Autrement dit, on ne vit pas notre vie suivant la vibration du rayon. On vit notre vie suivant la mémoire de l'âme qui participe à tout ce, tout le, toute la cochonnerie astrale et mentale subjective ou vitale subjective qui existe dans notre conscience expérimentale. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien dans notre peau. Je comprends, on n'a pas de peau. Il faut en avoir une peau, ça se construit une peau. Puis on s'établit des limites pour toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons. Toutes sortes. On vit à l'intérieur de nos propres limites. Il y en a qui voudraient avoir des compagnies, qui voudraient avoir des chums, ils sont toutes croches. Quand tu veux quelque chose, tu vas le chercher, c'est plein de gars. Comment ils ne seraient pas parfaits tout de suite? Prends-en un qui est imparfait. T'en trouveras un parfait à l'heure. Non, ils en veulent un parfait tout de suite. Ils veulent un cheval blanc tout de suite. Au moins, s'il n'est pas bien, il peut te carrosser pareil. Ah, on est quelque chose. On vit de limites. Puis on veut vivre sans limites. Tu peux pas. Pour vivre sans limite, il faut que tu en arrives à briser tes limites, puis les briser tes limites, puis les briser tes limites. Seulement, malheureusement, on détruit nos limites hein, quand on commence à vibrer du rayon. Quand la pression dans le pot commence à sauter, là ça saute, puis ça saute, puis ça saute. Puis tu arrives un certain temps, là, puis tu commences à défaire ta cravate. Puis tu commences à regarder autour de toi, puis tu t'aperçois que tu fais pas mal de ce que tu veux. Le plombier, tu l'as plombé, puis tu fais pas mal de ce que tu veux. Pis ça, tout ça, toutes les limites font partie de la mort. Pis, je joue pas ces mots. Un homme qui a une limite doit mourir. C'est automatique, c'est une loi cosmique. Parce que le rayon n'a pas de limite. Le rayon, il descend tout, il fait vibrer tes corps, t'en as plus de limite. Mental, émotionnel, vital, physique, pas. Quand il est rendu au physique, tu sautes, tu changes de plan. Il n'y a pas de limite de rayon. Alors, automatiquement, l'homme qui a des limites ne peut pas être immortel. Faut qu'il crève. C'est une loi cosmique. Parce qu'une limite est une imperfection. Alors, quand il y a une imperfection, faut qu'elle soit corrigée. Faut qu'elle soit réparée. Parce que s'il y a une limite dans l'homme, l'énergie ne passe pas 100%, elle passe 90%, 80%, 60%, 40%. Le rayon, lui, quand il descend à 100%. Les immortels, ce sont des hommes qui fonctionnent à 100%. Alors, l'affaire des limites que vous causez, que vous créez émotivement ou mentalement à cause de votre mémoire, checkez à la gare. La plus grande impotence de l'homme provient du fait qu'il se crée des limites. Ne pas pouvoir faire quelque chose parce que c'est pas le temps, c'est une chose. Mais ne pas pouvoir faire quelque chose parce qu'on a des limites, c'est une autre. Quand c'est pas le temps, ça t'est imposé. Tu peux pas aller plus vite que tu peux pas aller plus vite que ça. Mais quand tu te crées des limites à cause de ta propre psychologie émotive et mentale, t'es pauvrement infirme. Et infirmé. Quand même que vous rationaliseriez puis rationaliseriez. C'est le jeu, c'est le truc de l'ego sous le pouvoir de l'âme de rationaliser. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus anti-homme que de rationaliser. On peut rationaliser n'importe quoi. Tout se rationalise. Mais ce qu'on rationalise provient toujours de la faiblesse mentale et émotive dont on est, nous autres, les hommes, victimes. À cause de la mémoire de l'âme. Il y en a qui me disent, mais oui, mais, oui, mais, oui, mais. Je les appelle des oui, mais. Est-ce qu'il y a un petit break? Alors moi, j'en ai un café. Mais quand même, tu diras au monde, à l'homme, il doit apprendre à détruire ses limites. C'est avec le temps qu'il y a. Mais au moins une fois que ça y a été dit, ça reste enregistré quelque part. On a une subtile illusion en soi. Elle est maudite. On a une subtile illusion en soi qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on veut dans la vie. Une subtile illusion en soi qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on veut. Je peux voir chacun de vous autres, puis je peux aller chercher cette subtile illusion-là. Puis il y en a qui vont rationaliser pareil. Puis la raison pour laquelle on a cette subtile illusion-là, c'est parce que le rayon en nous autres n'est pas assez fort. Quand un rayon est là, puis il est fort, puis il descend, tu n'as pas cette illusion-là. Tu peux pas l'avoir, c'est impossible! Impossible! Moi, il n'y a pas un iota dans ma vie de choses que je veux faire, que je ne peux pas faire. Parce que tu tombes en dehors du corps de désir à ce moment-là. C'est pas l'affaire de dire que tu voudrais avoir ça. Tu voudrais avoir ça, d'accord, parce que tu en as besoin, mais tu sais que tu vas l'avoir dans 2 ans, fait que t'attends. Mais c'est pas une limite, ça. C'est de la sagesse. C'est de l'indigent. Une limite, c'est pas être capable de faire dans le temps présent ce que tu veux faire quand t'as les moyens pour le faire. C'est ça, une limite. Puis c'est ça qui vous met dans la merde. C'est ça qui vous constipe. Puis c'est ça qui vous extirpe de l'énergie. C'est ça qui vous abat le moral. C'est ça qui vous empêche de vivre de votre intelligence puis de votre volonté. C'est ça qui vous empêche de vous rapprocher de vous-même. C'est ça qui vous mène petit à petit à la mort. J'ai un de mes chums qui n'a pas d'éducation. Puis je disais, Jean-Paul, la meilleure job pour toi, c'est de travailler comme janitor. Il a de la classe, le gars. Il n'a pas d'éducation. Parce que trouver une job aujourd'hui, c'est difficile. Je disais, la meilleure job pour toi, c'est de trouver une job de janitor. Ils vont te payer ton loyer. Tu travailles sur place. Ils te donnent un salaire. T'es gradué. T'as pas d'éducation. Ça y a pris 2 ans pour le réaliser. 2 ans! Puis il l'a réalisé parce qu'au bout de 2 ans, Chris, au mois de novembre puis décembre, il commence à faire fret. Il faisait fret. Pas de job. Tu oublies de coucher sur un chum, coucher sur un autre de ses chums. Pas d'argent clean, pas d'argent à ses parts. Tu vois, ça t'offre. 2 ans pour le réaliser. Il s'imposait des limites. Là, aujourd'hui, il est content. Il aurait pu être content 2 ans. Hein? Puis notre vie, c'est ça. On s'impose des limites. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La vie de l'homme, c'est une limite constante. Puis après ça, tu te demandes pourquoi est-ce que les gens rêvent en couleur, puis les gens veulent se spiritualiser, puis les gens veulent s'immortaliser, puis les gens veulent faire de l'overtime quelque part dans le cosmos. Je comprends. Ils sont même pas capables de vivre leur vie de tous les jours en dehors de les limites. Un gars qui vit sa vie de tous les jours en dehors des limites, il s'occupe pas de l'immortalité, puis du cosmos, puis du cosmos, et ça l'intéresse pas, ces affaires-là. Il s'occupe de sa vie de tous les jours, parce qu'il vibre tous les jours. Quand tu vibres là, tu vibres pas tout à l'heure, tu vibres là. Non, il y en a qui vibrent 2 ans d'avance, 10 ans d'avance, 15 ans d'avance.